un immense dôme de diamants, et mille gammes de soleil. Dans la vallée de quatre printemps, je sors de mon demi-sommeil. Un oiseau pas doucement les ailes, souvent là aux poissons d'argent. Alors je sors de mon demi-sommeil avec la mélodie des vents. J'ouvre les yeux, j'ouvre les yeux. Cheers.